Alors, on a un petit problème technique. Putain, en plus, on a terminé la musique. Tu sais quoi, la musique s'est terminée. L'ordinateur est tombé en rade. Donc, on va pouvoir reprendre l'émission maintenant. C'est pas du tout radiophonique, mais pas du tout. Non, j'ai pas mis vos micros, j'ai mis que le mien. On fait une deuxième pause dans une demi-heure ou dans un quart d'heure. Ouais, bah, tu t'as sais, il est 21h20, donc 22h20, donc le temps de faire les deux débats et le petit c'est kiki que je vous concocte pour après. Et ça sera l'heure de terminer. On va donc revenir, on va parler de Trophine UNFP rapidement. Ça l'a perturbé la musique. Ah, mais... Mec, il est tout mouillé sur lui-même. Alors on va parler un petit peu Trophée UNFP avec Marco, il va nous ressortir toutes les catégories et les nominés. Non, parce que nous on a la catégorie gardien, j'explique, nous c'est pas surtout. Nous on n'est pas devant match, voilà, nous ce qui nous intéresse. Ah, c'est que Jocelyn. C'est que Jocelyn, notre coach, le meilleur coach de Ligue 1, il y en a pas. Courage. Jocelyn a été nominé dans le meilleur entraîneur de l'année. Il y a, si mes souvenirs sont bons, c'est pas compliqué, il y a Fabre, Emery et Jardim. Voilà. Donc pour vous déjà, petite question toute simple, est-ce que vous pensez qu'il a une chance de gagner le trophée ? Non. Bon bah voilà, c'est qui c'est mérite selon vous de gagner le trophée ? Jardim. Bon, au moins ou Favre, le débat est pas compliqué là-dessus. On peut faire vite fait 30 secondes, mais ça, par contre, ça est-ce qu'il est meilleur qu'Emery ? Bah largement. Emery, sans déconner. Faites votre classement. Jardim, Favre, Gourvennec, Emery. Ouais. Qui a un classement différent de ça ? Moi j'hésite entre Favre et Gourvennec, je dois vous avouer. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas un bruit, hein ? Si. Voilà. C'est dans la tête à Marc le bruit. Mais il n'y a plus là maintenant. Donc, bon. Okay. Du coup, qui a un classement différemment ? Ouais, je sais pas, j'hésite entre Favre et Gourvennec parce que c'est vrai que la saison de Nice est remarquable en tout point. Mais il y a quand même des taches d'ombre en fait. Déjà, la première, c'est que ils n'ont rien fait en Coupe d'Europe, mais rien. Mais bon, non plus. Bah Bordeaux, il y a été... Mais laisse-moi finir, putain. Genre, on peut... Ah, ça va, on meuble là-haut. Et là où on les attendait un petit peu. Deuxième chose, rien dans les coupes, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Pour moi, ça me gêne un peu. Après, ils bénéficient quand même, même s'ils font Nice fait une très très très très bonne saison, ils font une saison digne d'un champion. Il bénéficie du travail qui a été fait les années précédentes. Là où, à Bordeaux, on était au fond du trou, il y avait tout à reconstruire, qu'on fait une demi-finale de Coupe de la Ligue où on s'est éliminé contre Paris, il y a cette petite tâche en Coupe de France, et au final, en championnat, on est à la lutte pour la 4e place, on finira sûrement au moins 5e. Donc, les progrès qui ont été réalisés par les Girondins sont, pour moi, supérieur au progrès réalisé par Nice, même si la saison de Nice est meilleure que la saison de Bordeaux. Mais pour moi, un coach, il est aussi tributaire des joueurs qu'il a dans son effectif. Je pense que si on prend le Bordeaux et qu'on compare Bordeaux et Nice au début de la saison, Nice est largement meilleur que Bordeaux. Et si on refait la même analyse en fin de saison, Nice sera toujours meilleur Bordeaux, mais je trouve que l'écart a considérablement diminué, notamment depuis janvier où on a vu des choix forts de l'entraîneur. On voit réellement que c'est l'action de l'entraîneur qui a eu des répercussions sur le sportif et sur les résultats, là où à Nice on a un peu de mal parce qu'elle est gâchée déjà par une comparaison qu'on pourrait avoir avec les années précédentes puisqu'on est dans la continuité et par des résultats en Coupe d'Europe qui sont pour moi très très décevants. Et des blessures aussi. Ah, des blessures, ouais, c'est surtout blessures, sur la fin de saison, les blessures. Mais en début de saison, c'est surtout les résultats qui me choquent. Je pense qu'avec Cyprien et Pléa, c'est ça ? Pléa et Cyprien. Oui, voilà. Je pense qu'ils auraient embêté encore plus Paris et Monaco. Et je pense que le match de dimanche aurait encore eu plus d'importance que. Ils auraient terminé devant. Que voilà. Et mais même ils auraient terminé devant Paris. Oui, c'est sûr. Après. On va être chauvin, oui, Gourvennec, il mérite, mais en même temps, si on regarde le classement, mis à part Lyon qui mène là 2-1, je crois, c'est les 4 premiers du championnat qui sont dans les 4 meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Ça paraît cohérent. Après, l'analyse de Marc, elle tient la route. Hein. Oui, les analyses tiennent toujours la route. Non, c'est quoi cette limite ? C'est tout ce que tu as. La question que je pose, moi, c'est est-ce que finalement, quand tu dis que les 4, c'est les 4 plus grosses équipes, entre guillemets, sauf Lyon, ce qui est vrai ? Mais moi, s'il y a un nom que je comprends pas, et c'est ça qui est plutôt bon, c'est celui d'Emery en fait. Je suis tout à fait d'accord. Après, tu mets qui ? Voilà, merci. Ouais, c'est ça. Et Dalloglio, du coup, non ? Non. Quand on a mis René, on peut le mettre. Non, mais du coup, c'est vrai qu'après, la question se pose de qui mettre. Genesio. Mais en tout cas, Emery, il est quand même. Enfin, c'est quand même assez. Je trouve de l'avoir assez. Moi, je trouve qu'il est, il a peut-être même pas sa place dans le top 4, mais le problème, c'est que je sais pas qui c'est que je mets d'autre. Dans ces cas-là, moi, je mets Moulin pour sa régularité avec ce qu'il fait avec Angers. Ou Galtier. Non, pas Galtier. Non, ce que fait Saint-Etienne, c'est pas bon, c'est un échec cette saison. Tu peux mettre Paco en Coupe d'Europe, excuse-moi, non, ils ont fait bien mieux que. Au pire, tu peux mettre Nice contre Sao, mais. Sur une saison. C'est pour ça, c'était au pire. Mais du Emery, même sur une saison entière, Comboiré, il est meilleur qu'Emery cette année, à Guingamp. Avec ce qu'il a fait à Guingamp, je trouve que par rapport à ce que faisait Gourvennec à Guingamp, je pense que s'il fait la finale de la Coupe de France, oui, peut-être. Mais il s'est fait sortir. Antoine ? Oui. Antonio ? Non, après, voilà le problème. Parce que Garcia, il est arrivé, il m'y fait rien de sensationnel. Alors, juste de la part d'Emeric, je dois insulter Clément, mon connard, voilà. Merci. Je sais pas pourquoi, mais je suis grave d'accord avec toi, Emeric. Ouais, moi aussi, putain. Enculé. C'est ça, les mecs, c'est ça. Non, mais du coup, c'est vrai que voilà, moi, je comprends pas la place d'Emery. Après, sur Gourvennec, bon, lors du bilan, elle est pas encore là, mais c'est vrai que ce qu'il a quand même fait, ce qu'il a fait cette année, c'est assez remarquable, quoi. Moi, ce qui me plaît surtout aussi, c'est de voir qu'il est arrivé après Sagnol, où c'était quand même sacrément craignos. On s'en rend d'autant plus compte maintenant, quoi. Je comprends toujours pas les mecs qui voulaient le garder en fin de saison dernière. C'est vrai. Là où j'ai été très heureux aussi, c'est de voir que ce gars-là, au final. Il a su gérer justement les cas particuliers d'une manière, écarter un joueur comme Jérémy Ménez parce qu'il n'était pas bon, enfin, où est-ce qu'il est, et le faire de la façon dont il l'a fait, je trouve ça remarquable, sa gestion. Ouais, bien sûr, Et voilà, comme quoi. Mais je suis content de voir qu'il a fait ces choix-là qui sont forts, etc. Et puis, c'est vrai que c'est quand même sacrément impressionnant ce qu'il a réussi à faire en un an des Girondins. Et globalement, si vous regardez bien, Tigana n'avait pas réussi. Bon, c'est pas du niveau de Blanc, hein, ce qu'on a aujourd'hui, mais Tigana n'avait pas réussi, Gilot n'avait pas réussi, peut-être sur la première saison et encore. Sagnol n'avait pas réussi. Et. Donc pour juger Gourvennec, il faudra attendre la saison prochaine. Exactement. Après, moi, ce qui me plaît sur Gourvennec, j'en parle 30 secondes, c'est qu'il vient du monde amateur. Il sait ce que c'est de mettre les doigts dans la merde. Gourvennec, il a commencé à entraîner en DHR. Oui, il est toujours professionnel quand même. Oui! Mais il a commencé à entraîner en DHR. Et faire ce qu'il a fait avec Guingamp, c'est fabuleux. Après, ça serait peut-être une parfaite récompense. Mais le problème, c'est que quand tu as l'année de Monaco. Monaco, ils sont tués. Oui. L'année dernière, et quand Jardim faisait mal jouer ses équipes, on va dire. Mais j'aimais bien Jardim quand même. Mais ouais, là, c'est pour ça. Ça me démontre bien. Jusqu'à cette saison, ça ne peut pas être autrement. Et on en parlait en off, l'année où Monaco fait ça, Deschamps n'a rien gagné. Donc, voilà, Jardim, ça dépendra de son palmarès. Aussi. Si on continue un petit peu, on parlera des gardiens juste après. Alors, je vais compter sur votre mémoire parce que malheureusement, je n'ai pas la liste des vainqueurs. Non, je ne compte pas sur ta mémoire, Clément. Je sais très bien que là-dessus. Les quatre nominés, tu veux ? Les quatre nominés pour les meilleurs joueurs. Cavani, Lacazette, Verratti et Bernardo Silva. Pour vous ? Bernardo. Cavani. Ouais, Cavani ou Verratti, un des deux. Alors pour moi, Verratti, je suis pas moi, d'accord. Moi, je peux te faire un. Bah vas-y, on fait un classement. Cavani, Bernardo. Pour moi, ça doit être Bernardo, Lacazette et Verratti. Pour moi, ça doit être Bernardo. C'est Lacazette le dernier, en fait, ouais. Pour moi, ça doit être Bernardo numéro 1, mais il n'y a même pas contestation. Alors, oui, Cavani fait une saison oufissime. J'ai aucun souci là-dessus. Moi, personnellement, il me bluffe. Bon, il me bluffe surtout qu'il fait des gestes à 100 touches de balle qu'il n'arrive pas à faire avec 15 touches. Donc, ça, par contre, je comprends toujours pas. Mais. Toujours le même problème, c'est que il faut aussi, pour moi, on peut pas oublier ce que fait l'équipe et qu'il y en a un qui a un poste qui met plus en valeur que l'autre. Et se souvenir de la saison de Bernardino. Ah, youpi. Ça amène ce plus, en fait. Déjà, son poste fait qu'il n'est pas visible. Si on se souvient et qu'on l'a tous en tête, c'est que sa saison, elle est vraiment ouf. Vraiment. Mmh. Alors que Cavani, encore le débat de certains qui te disent qu'il n'a pas fait oublier Ibra. 43 matchs, 45. Je ne comprends pas ce débat. Ça, mais... c'est incompréhensible. Mais donc, ouais. Moi, je te mets Cavani dans le sens où Bernardo Silva, s'il se blesse, Monaco, ils arriveront toujours à le remplacer. Cavani, le problème, c'est que s'il se pète, t'auras personne pour le remplacer. C'est ça. C'est le meilleur joueur, ouais, du coup. C'est ça. En fait, Monaco, ce qui est fort, c'est l'effectif, c'est l'esprit d'équipe. Il n'y a pas que Bernardo qui a fait une excellente saison. Fabinho, il a fait une saison exceptionnelle aussi et il n'est pas dedans. Alors que à la limite, Fabinho, ça m'aurait pas. Alors que pas voilà, tu mets Verratti, enfin, par rapport à l'année dernière, il n'est pas meilleur que l'année dernière. Donc ça. C'est... Le problème de ces trophées, c'est que collectivement, je le donne à Bernardo sans souci. Mais après, oui, individuellement, Cavani a les stats. Voilà. C'est le problème de ces trophées, c'est que c'est fait sur des individualités. Donc voilà, c'est sûr que les joueurs du PSG, ils sont au-dessus des joueurs de Guingamp et de Nantes. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc à chaque fois, tu retrouveras les mêmes. Après, Cavani, en même temps, s'il ne marque pas, il ne serait plus au PSG non plus. Donc, bon. Mais si Cavani ne marquerait pas, le PSG ne serait pas deuxième. Oui, c'est ça. Donc pour moi, Cavani, il sauve le fion du PSG plus que Bernardo Silva. Et de ton copain Emery. C'est pas mon copain, pas plus qu'un autre, mais pour moi, c'est Cavani. Tu peux pas dire qu'un attaquant qui a un ratio de 1 but par match, c'est pas le meilleur de la saison. Ouais. Après, non, là. Cavani, il a autant marqué que Dijon, il est tout seul. Putain, oh, le viol. C'est vrai qu'en regardant, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, ils vont pas le faire. Si, il a été entouré de connards, donc ça, ils vont le faire. Mais... D'ailleurs, tu es un escroc de la part de Seb. Parce que tu es là le seul jour où les gens ne sont pas là. Je le salue lui aussi. Bon, le mec, il est sur le chat. Escroc, connard, enculé, tout va bien pour l'instant. Donc Seb, retour. Il est sur le chat, mais pas en studio. Après, on parle d'escroc. Ah, c'est vrai, ça aussi. Non, mais c'est les gars l'escroc. Ouais, mais les gars, je le salue. Chante soirée. Arrête tes conneries. À part ça, je suis occupé, tout ça, nana. J'avoue, il est sur le chat à 10h30, donc super soirée. Meilleur espoir, on n'en parle pas. Hein. Non, ça sera Mbappé. Voilà. Mbappé, sûr. Pas besoin et de. Et après, c'est quoi, meilleur gardien? Ça sera Supasic. Et y a qui d'autre de nominer? Ça m'intéresse, moi, dans les meilleurs espoirs, là. Lemar, Mbappé. Tolisso. Non, Rabiot. Rabiot. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait Tolisso. Ça sera Mbappé devant Rabiot. Mbappé devant Rabiot, c'est sûr. Là. Bah, exclusion côté de Angers. Et en gardien, du coup, c'est qui est nominé? Trapp, Subasic. Alors, René, Subasic, Lopez et Trapp. René, donc le vôtre, ouais. C'est ouais. Ça Subasic, Trapp. Et Lopez. Trapp. D'accord, ouais. Ok. Et Lopez. C'est possible? Tu t'es cru présidentiel ou quoi? Je vote blanc. Tout sauf ça. Ah ouais. Et je vote Ruffier. Ouais, mais moi c'est qu'il y soit pas dedans. Alors après, à la place de qui? De Lopez ou de René? Ok, mais même Trapp, hein, il est là parce que c'est Paris. Physique. Il est là parce que c'est Paris. Oui, exact. Mais comme Emery. Mais oui, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que après niveau Lafond a fait une excellente saison aussi. Le gardien de Toulouse, et il n'y est pas, quoi. Donc ouais, mais c'est difficile. Il est jeune, pour moi, il est jeune, mais bon, il a sauvé Toulouse, quoi. Ouais, mais t'es obligé de mettre des équipes du top 10. Ben apparemment, non. Déjà René, c'est un exploit qu'il soit là. Vu le oui, c'est un exploit. Oui, c'est un exploit. Et celui qui fait le même poids que moi, là, Nice, là, il n'y est pas non plus. Comment il s'appelle déjà? Cardinal. La Cardinal, pardon. Celui qui a autant le camo que moi, non, il n'y est pas lui non plus. Non. Le frère de Big Mac de Gignac. Apparemment, il s'appelle Frère Kebab. Il pourrait aller à Montpellier. Pourquoi faire? Mais je sais plus comment il s'appelle. Jordan. Il est pas gros, Jordan, il est idiot. Ouais. C'est pas pareil, ouais. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai qu'il manque dans les gardiens. Moi, j'aurais enlevé Trapp et Lopez et j'aurais mis Ruffier et Costil. Non. Moi, j'aurais juste enlevé René et j'aurais mis Ruffier. Ouais. Non pas qu'il non, fait mais... pas une belle saison. Non, mais le d'accord. Classement je suis complètement d'accord. Mais par contre, alors... pour moi, c'est un super gardien qui doit se barrer de Dijon. Montpellier cherche un gardien, Marseille cherche un gardien. Moi, j'aimerais pas qu'il parte, mais oui, il doit partir. Par contre, très excellent gardien. Mais à cause du classement. Après, jeune en plus, il n'y a pas 24 ans, un truc comme ça. 26, 27. Ah, quand même. Ouais. Tu peux pas ouais, le, on l'a pris, pas on l'a le plus mettre. Tard, on l'a pris tard quand à Marseille, tu prends 54 buts, tu peux pas être dans les 4 meilleurs gardiens. Non, mais après, je trouve que quand même, sur l'ensemble de sa saison, il le mérite. Il a fait des failles aussi, hein. Oui, mais il nous a sauvé tellement de fois qu'au final. Mais bah, il est obligé de te sauver, il a un ratio quand même, il est obligatoire. T'as vu le nombre de patates que vous prenez dans la bougie, quoi. Non, mais. Ouais, là, c'est parce qu'il veut te narguer. Non, mais c'est vrai. Ruffier, pour moi, a été meilleur cette saison. Et d'ailleurs, Ruffier a eu, sur tout gardien confondu, c'est celui qui a été le mieux noté par l'équipe. Et le numéro 2, c'est Carasso. Et oui, mais avec moins de matchs. Oui, il y a quand même suffisamment, mais c'est vrai qu'il y a moins de matchs. Oui. Après, je sais pas vous, mais moi j'aurais bien mis Prior juste pour faire chier les tweeters, les tweeters bordelais. Elle est ridicule cette phrase, Marc. Oui. Heureusement que les footballeurs professionnels sont pas tous aussi idiots que toi. On se met à ton niveau. Mais non, mais justement, bah alors si tu te mets à mon niveau, t'aurais jamais vu Prior. On a parlé de Mambi de tout à l'heure, mais là, franchement, Marco, ouais, bon, c'est vrai. C'est sans vrai. Décoller. Ah là, vrai, là, je suis bien d'accord avec toi. Il reste moins de 10 minutes à Angers et Lyon gagne toujours 2 à 1. Ça va. Donc, on va en passer à. Bon, gros Vénec, on va pas y revenir, je suppose. On est tous d'accord pour dire qu'il ne devrait pas être l'entraîneur de l'année. Mais par contre, on a une question que va devoir se poser Gourvennec pour la fin d'année et pour tout l'année prochaine, c'est savoir quel gardien de but l'an prochain. Donc, fait, hein. On a posé la question sur le chat, sur le Twitter, je vais y arriver. Vous avez choisi à 2% un autre. Et quelqu'un a proposé Baptiste René. Ouais. Je ne troll pas. Et c'est un supporter des Girondins. 3% ont répondu un jeune des Girondins, 28% ont choisi Carasso en tant que prolongation et 67% ont choisi Costille comme Costille, j'aime bien. Costille, c'est déjà fait, non? Mais alors selon certains médias, enfin, moi j'ai l'impression que c'est pas fait. J'ai l'impression que le club n'a toujours pas pris de décision. Et Carasso à Montpellier. Je pense qu'il veut pas qu'ils veulent pas déstabiliser le club, honnêtement. Ouais, mais arrive un moment, il va falloir annoncer Carasso qui part avant le match de Marseille, en fait, parce que c'est impossible autrement. Oui, mais c'est ce qu'a dit Tavernon si t'as lu un peu Sud-Ouest. Mais il a pas dit ça. il a dit après la saison. Il annoncerait. Non, il a dit qu'il annoncerait après Marseille. Après c'est déjà trop tard. Après Marseille, il restera un match. Oui, mais après Marseille, c'est déjà un peu trop tard, sachant que tu sais pertinemment que si jamais Carasso s'en va, il faudrait quand même qu'il puisse y avoir un hommage au stade. Enfin, ça me paraît être la moindre des choses. On l'a fait avec Ramé, on l'a fait avec Planus. Il est quand même au club depuis 8 ans. Il y a une différence, c'est que Carasso, il est titulaire. Ramé et Planus étaient remplaçants. Oui, mais bon. Donc Carasso sera concerné jusqu'au bout. Oui, mais il sera concerné même si. De toute façon, ce que je comprends pas, c'est que tout le monde le sait déjà. En fait, dans le club, Carasso, il sait déjà avant Marseille qu'il sera plus là. Les joueurs savent déjà qu'il sera plus là. Le coach sera déjà qu'il sera plus là. Donc la déstabilisation de tout le monde, c'est pas parce qu'on l'annonce ou pas que ça changera quelque chose. Par contre, le fait qu'il puisse y avoir un hommage des supporters, ça peut même faire un peu de bien et être plutôt positif dans cette fin de saison si jamais Carasso doit être amené à partir. Je veux l'avis de mon joker, Bernie, qu'en penses-tu? Par rapport à quoi? À ce que vient de dire Marco, même si c'est que que ça déstabilisera rien. Il a raison. Ça n'a pas déstabilisé un groupe. Enfin, juste par rapport à l'hommage, il faudrait le dire avant l'OM. Oui, c'est sûr. Ouais, après, si tu tiens ta feuille directe. Non, après, si tu as ta fiche, ta ligne directrice. Tu règles ça en fin de saison, basta. Ouais. Mais après, juste voilà, pour service rendu, on va dire, à la patrie, tu l'annonces avant l'OM et puis voilà. Et mais moi, bon, après, mon choix sur les tweetos, c'était tu prolonges Carasso un an et tu le mets en doublette avec Bernardoni. Je suis d'accord avec toi, mais ça sera pas le choix de la direction. Je sais, mais c'est dommage. Oui. Après, s'il faut prendre un autre gardien. Moi, je parlais de Bernardoni ou Gaëtan Poussin, mais on n'aura pas les couilles de le faire. J'aime encore Gaëtan Poussin, 18 piges. Oui, mais. Prête-le. Le truc, c'est que Toulouse le font parce que Toulouse est un petit club. Nous, Bordeaux, on se prend pour un grand club qu'on n'est plus à l'heure actuelle. Tu ne peux pas te permettre de lancer Poussin. Je ne sais pas ce que vous avez avec Poussin. Mais il est au-dessus de tout le monde. Mais on m'a fait la même chose avec Prior. Et avec Olympa aussi. Surtout Olympa. Et Olympa, on nous a fait la même chose. Stop, Poussin, il a pas l'expérience. Alors, je vais te poser la question autrement. Oui. J'ai du respect pour Costil. Oui. Il a 30 et 30. 29. 29 ou 30. Bref. 29 ans. J'aime pas Prior, vous le savez, mais certes c'est sous l'air Sagnol, mais Bernardoni te sert à quoi? Réponds à ma question. L'année dernière Sagnol a fait n'importe quoi dégageant à moitié Prior et en cherchant Bernardoni, c'est un fait. Ça a été, les gardiens l'année dernière ont été gênés, sont catastrophiques. Aujourd'hui, entre Bernardoni et Prior, il y en a un qui sert à rien. Mais Bernardoni a déjà demandé à être prêté ou transféré la saison prochaine, ce que je comprends totalement. Prior accepterait d'être doublure de Costil, toi? C'est ce qu'il aurait déjà déclaré. Et pourquoi il n'accepterait pas d'être doublure de Costil? Enfin, arrive un moment, s'il accepte accepte pas, ben écoute, il s'en va parce qu'il est moins bon que Costil. Faut arriver à un moment, faut savoir ce que tu es. Oui, mais à 23-24 ans, je pense que t'as envie de jouer aussi. Eh ben certes, ben à ce moment-là, il demande à partir. T'as peut-être pas forcément le niveau pour jouer. Enfin, moi, j'ai pas forcément vu Bordeaux sur tous les matchs, mais Prior, c'est pas un gardien exceptionnel non plus. Donc forcément c'est un donc il sera cantonné comme Mathieu Valverde, je sais pas si vous vous rappelez. Valverde, oui. Après à lui a montré, moi, j'aime pas Prior, donc je m'en à lui a montré, je pense à lui. À lui a montré à l'entraînement, de toute façon il a l'air d'avoir convaincu son coach à l'entraînement par rapport à Bernard Denis. Entre Prior et Bernard Denis, Gourvennec a l'air d'avoir tranché, d'avoir choisi Prior. Maintenant si Prior Costil aura des moments où il jouera pas, Prior va jouer. Costil, mais tu le dis tout Costil, le temps. Costil, putain, j'ai du mal. Je suis fatigué. Prior risque de certainement de jouer la Coupe de la Ligue ou ce genre de choses comme ça. Costil va peut-être se blesser, avoir des suspensions. Il l'a pas fait cette année, Gourvennec. Hein. C'est Carrasco qui a tout joué. Oui, mais en même temps, Carrasco a été blessé la moitié de l'année, donc Prior a assez joué. Et à ce moment-là, Prior de montrer qu'il peut prendre la relève. Ouais. À l'heure actuelle, ce que l'on voit, c'est que même si les passages où Prior a joué, moi j'ai trouvé Prior plutôt correct et plutôt bon. À la fin, quand même, à aucun moment, il pouvait y avoir débat entre Prior et Carrasco. C'était Carrasco qui veut jouer. Même quand Carrasco nous a fait des bourdes et des bourdes. Parce que le but, juste fini. Le but qu'on prend contre Monaco, il y a une erreur grossière. Oui. Je sais plus quel autre but on prend juste main d'avant, il y a une erreur grossière. Il nous en a fait des belles cette année, Carrasco. Mais même avec ça, Prior, il n'a pas réussi à lui passer devant. Donc, ben voilà. Il y a un truc qu'on oublie. C'est que sur les dernières déclarations que l'on a lues, Franck Manteau serait contesté au club. Alors peut-être que l'arrivée d'un nouvel entraîneur des gardiens peut changer la donne. Faut pas l'oublier. Et Franck Manteau, Prior, c'est son petit chouchou. Hein. C'est pour ça qu'en début de saison, il y avait la guerre des goals, si je peux me permettre. C'est paraît-il pas ce qui s'est passé. Donc, on a des infos totalement contraires. Mais moi, c'est quelqu'un de l'intérieur qui me l'a dit. Bah, moi, je te dirais ce que quelqu'un de l'intérieur m'a dit et tu verras que c'est. Et c'est quelqu'un du club qui coach au Girondin. Ouais, Carla Bruni ? Non. C'est quelqu'un qui m'a dit. Oh, ça y est. Que tu m'aimais encore. Donc, est-ce que la question de Franck Manteau. Je te chante Stromae tout à l'heure, si tu veux. Résume la situation de Carrasco. On peut se poser la question. Sosie ratée de Stromae. Non, juste le débat, parce que le débat qui est intéressant, c'est entre Costil et Carrasco. Mais le débat, il n'existe même pas. Si Costil y vient, Carrasco, il se barre. Non, mais est-ce que vous préférez garder Carrasco ou... Moi, oui. Moi, je garde Carrasco. Ah non. Un an et je le mets en doublette avec Bernard Denis. Et je dégage Prior et je promue Poussin en numéro 3. Ils ont quand même le même style. Là-dessus, je suis d'accord, mais le problème de Carrasco, Marco a dit quelque chose d'intelligent pour une fois. Oh, Carrasco est fragile. Donc, et alors, si tu le mets en doublette et que direct tu fais la hiérarchie. Tu crois que Carrasco a envie de rester numéro 2 à Bordeaux ? Mais j'ai jamais dit qu'il était numéro 2. Tu connais pas les passations de pouvoir tranquillou biloute ? Ouais, Ramé Carrasco, on a vu comment ça s'est fini. Ça s'est fini comment ? Ramé a mal pris le truc et il devait soi-disant arrêter. Il est parti jouer une année supplémentaire à Sedan. C'est quoi cette info pompette que t'as encore? Mais quoi, c'est vrai? Et d'où il a mal pris le truc? Non, mais c'est ce que j'allais te dire. Hein. Il devait arrêter. Et vu, non! Il devait arrêter en non. étant titulaire. Mais si! Mais alors que la différence, c'est que Carrasco, il a dit que lui, ça ne te dérangeait pas d'accompagner les jeunes. Non, mais tu crois qu'il va te dire ça parce qu'il veut rester au club, mais il te dira pas l'inverse. Carrasco, il nous fait beaucoup de coups de com'. On dirait un mec qui se présente pour les élections présidentielles. Il te dira pas l'inverse. Oui, il a. C'est quand Bernard Denis, il va te dire qu'il veut partir, mais c'est parce qu'il joue pas, c'est pareil. Il sait qu'il a un pouvoir là-dessus et qu'il a une cote de dingue. Moi, je serais bien étonné de savoir ce qu'il dit. Quand il renégocie véritablement ce bon Cédric Carrasco. Moi, je le garderai pas, Cédric Carrasco. Hein. Je suis désolé pour vous, mais ok, oui, tout ce qu'il a donné, c'est très bien. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, etc., comme tout le monde. Mais il y a un moment où ses problèmes de genoux, là, ça commence à revenir. J'oublie pas que c'est un mec qui lui aussi a fait mon poids pendant les premières années de sa carrière. Peut-être, non, plutôt poids de Cyril, là. Et mais. mais c'est moi. Mais, attends, poids de Rico, vu qu'il m'a bâché tout à l'heure. Et donc, du coup, le truc, c'est. Ah, mais ouais, c'est vrai. Ah, enculé. Mais en tout cas, voilà, c'est juste que je pense qu'il y a un moment où il faut être compétitif, laisser ces trucs de cœur là de côté. Ça me fait mal au cœur de le dire. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et je pense pour le coup que Costil, moi, c'est pas si con que ça. Quand tu regardes bien, Carrasco, quand il est venu chez nous, il était pas si jeune que ça non plus. C'est un gardien qui a déjà la bouteille, qui a prouvé. C'est un bon goal, Costil. C'est gratuit. Et voilà. C'est gratuit. Ça aussi. C'est pour moi, le problème, c'est que Bernard Denis, c'est le même profil. Il a du potentiel pour moi. C'est très bon. Tu n'étais pas titulaire U20 et champion comme ça, tu vois. Ou U19. Et puis, c'est un bon Costil, c'est très bien parce que c'est un club qui va lui permettre de progresser, Bordeaux, parce qu'il va jouer la Coupe d'Europe. Et puis, c'est très bien. Et, bah, tu peux progresser. Attends, ça dépend. Il y a des joueurs, il y a des gardiens qui vont jouer à 35, 36 ans, 40 ans. Et il peut très bien te faire 10 ans à Bordeaux. Tu seras content s'il te sauve. Et je vais sortir une saucisse. Marco, tu vas me reprendre de voler. Et si Carasso, il tentait pas une reconversion et qu'il se mettait à la place de Franck Manteau. S'il a envie de jouer, peut-être. Moi, je l'ai... Étant donné sa fragilité, peut-être que juste d'entraîner les gardiens, ça peut être une possibilité. Je suis pas dans sa tête, je sais pas ce qu'il a envie de faire. Je vous dirai ça quand je l'aurai en interview. Parce que moi, des infos que j'ai... T'as vu l'info balancée comme ça, dénuée de sens et tout. C'est... Franck Manteau est contesté quand même. Hein. Ouais, mais je pense que, franchement, la question là, c'est plutôt est-ce qu'il part à Bordeaux. Enfin, moi, ce que je ramais quand ça s'était terminé pour lui, déjà, la question si de la reconversion. Il est terminé en 2013, alors qu'il était déjà plus. Enfin, il est parti quand il arrête en 2013, il me semble. Oui. Et il part en 2011, sachant qu'il est remplacé en 2009. Donc, il fait quand même 2 ans en tant que second gardien des Girondins de Bordeaux. Ouais, mais il n'a pas le même âge non plus, hein. Ah oui. Il est pas un peu plus vieux, Ramé, quand il arrête? Ben, je crois pas, parce que quand il est remplacé, il me semble qu'il a 35 ans. Il a quel âge, Carasso, actuellement? Je regarde. Carasso a 35 ans. Je voyais Carasso un peu plus jeune, moi. Mais enfin, moi, ça s'est pas posé pour l'instant la question vraiment de la reconversion. On parle plutôt de lui à Montpellier, machin, tout ça. Et je pense qu'il est encore. On va garder tous les gens, quoi. Et puis, Carasso, si jamais. Moi, je crois vraiment que Carasso, il a fait un peu l'intox. Il a raison de faire ça, après tout. Il défend son beefsteak. Et de jouer sur le côté sentimental, qu'ont déjà prouvé les supporters avec lui, etc., etc. Il fait monter les enchères. Mais évidemment. Mais ça prouve une chose, c'est que Carasso, il a pas envie de se reconvertir. Il a envie de jouer, Carasso. Et qu'il a envie de faire en sorte de mettre la pression aux Girondins, ou alors sinon aussi de faire entrer d'autres acteurs dans la balance, qui prouve bien qu'il a pas envie de se reconvertir pour l'instant. Quoi. Ouais, Carasso, il restera pas aux Girondins si jamais... voilà. Et moi, je pense que... Marseille cherche un gardien. Si Marseille, ils sont pas bêtes, ils avaient qu'à mettre le pactole sur Costil gratuit. Oui, c'est vrai. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Après, le souci, c'est Carasso, quoi qu'il arrive, que ce soit à Bordeaux ou autre, il trouvera un club. Oui, il trouvera un club en Ligue 1. Il sera même prêt à faire des concessions pour jouer dans un petit club, mais il aime tellement le football, je pense que... Il a le niveau Ligue 1, de toute façon. Donc, à Dijon, il le prendrait bien l'année prochaine, si René s'en va. Mais, ouais, faut qu'on se maintienne. Mais... non, je pense que Carasso, le truc qui est discutable, c'est 1, 2, 3. Parce que Carasso, je pense qu'il sera plus au Girondin, c'est une certitude. Moi aussi. D'accord. Et donc, du coup, qui est pas d'accord? Enfin, la question de base, Marc, c'était quoi? C'était... On vous demandait de choisir quel goal vous préfériez. Alors, du coup, le sondage, là, voilà, si on reprend le sondage, vous votez quoi, vous? Marc, t'as voté quoi? Moi, je pense que je choisis Costil. Parce que je considère. Outre le fait que Carasso a une santé fragile, moi je le trouve moins bon. Je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs, qu'il coûte des points. Je le trouve pas impérial. Ses dégagements, je les trouve pas impériaux. Sur sa ligne, ça reste un bon gardien, mais il est coupable des fois de fautes bêtes. Et Victor de Lyon. Quoi, tu penses qu'il sera meilleur que Costil, tout simplement. Je pense que Costil sera meilleur. Après, ça peut être Costil ou un autre. Je pense que ça serait peut-être pas con d'essayer de voir. Alors après, je ne connais pas son salaire. Et si ce qui est possible, mais il y en a un qui est parti se perdre en Angleterre qui peut, je pense que c'est pas Mandanda, que tu peux essayer de venir chercher, je pense à Lloris. Ah ouais, à qui? Ah oui, il a dit quoi? Lloris. Bah, je trouve qu'il se perd en Angleterre. Mais pénible, mais il joue la Ligue des Champions. Hein. C'est la dernière il fois se perd, joue la Ligue des Champions. Moi, pour entendre des saucisses, mais c'est pas des saucisses, c'est des paupiètes. Lui propose, et non, c'est des paupiètes. Je pense. Sans déconner. Donc, tu crois qu'il préférerait jouer l'Europa League que la Ligue des Champions? T'es capable de payer son salaire? Il est quand même pas capable de. Laissez-moi finir, bordel de merde. Non, c'est de la merde ce que tu dis. Non. Je pense qu'il serait pas. Mandanda, j'aurais dit peut-être, mais quoi. Je pense qu'il faut aussi arriver avec des projets des fois par moment. Avec l'envie de progresser. Et je suis désolé, ça ne t'empêche pas d'essayer de tenter. Le joueur va peut-être te dire non. Mais n'importe quoi. Mais comment tu peux le payer déjà? Comment on peut lui laisser un micro à ce mec-là? Il est en Angleterre, là où le championnat rapporte le plus et là où les salaires sont. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il joue le titre en Angleterre. Mais il pleut en Angleterre, merde! Il joue le titre, il joue la Ligue des Champions. Bon, ok, c'était une saucisse. Tu m'aurais dit Mandanda, je veux bien. Mais même Mandanda, tu me dis pas Mandanda. Il joue à Cré, il joue même. Tu me dis Costil déjà, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que tu me prends le... Oh là là. Mais Bordeaux a jamais eu de problème de merde. Alors juste, Angers a tiré 23 fois. Ils nous saoulent avec ces stats pourris depuis Ils ont perdu 2-1, Marc. Ils ont perdu 2-1. Du coup, la question que je voulais poser, c'est Costil 1, Marc, mais ensuite en doublure, parce qu'il y a cette question-là aussi qui se pose. Bernardoni ou Prior. Non, choisis entre les deux. Tu fais... En gros, quel gardien... Hugo. Quelle est ta situation du gardien pour la saison prochaine? Le problème, c'est que moi, j'ai bien aimé les matchs de Prior et que j'ai pas vu Bernardoni jouer jamais. En fait, j'ai jamais vu de bon match de Bernardoni. Les seuls matchs que j'ai vu de Bernardoni, c'est à Bordeaux. Et à Bordeaux, il était dans une période où c'était très dur pour lui et où il n'a pas marqué les esprits. Plutôt l'inverse. Prior non plus. Enfin, il a fait quand même des bons matchs. Je trouve que sur sa ligne, c'est quand même un très bon gardien. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, dans les airs, il est pas bon. Il est bon que sur sa ligne. Ben, je crois qu'il a fait quand même des progrès, mais oui, sur les airs, il est pas bon. Mais le problème, c'est que je me souviens des sorties de Bernardoni et c'était pas bon. Non, mais tu peux dire aussi Poussin, par exemple. Poussin, il a 18 ans. Poussin, d'accord, il mais Marc, en gros, donc pour toi, l'an prochain, donc c'est. Bernardoni. 1, ça serait Costil, et 2, ça serait Prior, parce que je connais pas assez Bernardoni. Voilà. Non. Même si supporter de Dijonais. Non, je pense que. Ouais, Costil, ça serait un bon choix. Après, quand il disait les 2% autres, René, c'est pas forcément un mauvais choix parce qu'il est pas cher en plus. Donc il est pas cher en plus, c'est plutôt un bon gardien. Ça doit taper dans 5-6 millions quand même. Hein. Ouais, Costil, tu l'aurais pas eu en libre, tu l'aurais eu très cher aussi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il est libre. Oui, alors Loris, il coûte 25 millions. C'était pour vous chauffer. Non, tu as cru même et tu t'es dit merde. C'est vrai que j'avais pas vu que Tottenham était deuxième. Même Mandanda, il coûte 50. Et j'ai fait une grosse saucisse. Même Mandanda, il coûte 50. Vous en faites jamais des saucisses, bordel de merde. Pas comme ça. Le titre, on aurait pu le prendre, mais on n'est plus en 2008-2009, Marco. Même Mandanda, il coûte très cher. Non, mais j'ai jamais parlé de Mandanda. Le meilleur choix, si Carrasco se casse, c'est Costil. Après, oui, moi, tu gardes Carrasco un an, mais si tu fais une passation tranquillou avec Bernardoni. Mais si Costil, ça se fait pas, moi, je dis que René, c'est quand même un bon choix. Moi, je balancerais pas 5 millions sur un gardien. Et c'est pas forcément très cher. Faut, moi, c'est pas forcément très merci, cher. Merci, putain, tu parles bien ce soir. Moi, je considère que tu peux revenir, par contre. Mais ouais, tu vois, et après, je prête Poussin et je balance Prior en réserve. Ouais, et voilà. Mais Carrasco, il te manage Bernardoni aux entraînements et tout. Et tu lui dis qu'il fait toutes les coupes, Bernardoni, et avec Carrasco qui le manage. Et soit ça dure un an et tu peux lui filer le flambeau, ou soit ça fait deux ans. Et puis voilà. En fait, un mec comme Carrasco en doublure, après, c'est pas dégueu. Hein. Et au pire des cas, t'as Prior ou Poussin si t'as réussi à le prêter. Le problème de Bernardoni, c'est l'effet Sagnol. Quoi. Parce qu'on. Il le prend, le mettant numéro 1 devant le fait accompli, et maintenant il se perd. Pour moi, c'est le seul problème en fait. Parce que Bernardoni, là où je te rejoins, c'est que c'est un très bon gardien. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans, j'ai du respect pour la CFA2, hein. Mais qui joue qu'en CFA2. C'est pas 2 ans, 1 an et demi. 1 an et demi, pardon. Qui joue qu'en CFA2. Et heureusement qu'il a l'équipe de France. Voilà. Mais même Prior n'est pas sélectionné en équipe de France de sa catégorie, donc c'est qu'il y a un souci au bout d'un moment. Donc voilà, moi après. Je sais pas si on sera capable de garder Bernardoni, mais c'est ce que je ferai et je vendrai Prior. Ouais. Moi après Prior, parce que je trouve qu'il a un bon pied. Il a un bon pied, mais ce mec-là pour les Girondins, il a pas la tête. C'est-à-dire que dans les moments où ça va être compliqué dans une saison, c'est pas le mec qui va péter un câble, il va insulter les supporters, il va craquer. Il a rien à foutre là. Voilà, et il est peut-être gentil dans la vie, mais je m'en branle. Je pense qu'il a pas. En fait, il est pas. Comment dire, dans un club quand même qu'elle a. Parce qu'on peut dire que Bordeaux, il n'y a pas de pression, etc. Oui, c'est ça. T'es en Ligue 1, médiatiquement parlant, t'es surveillé, etc. C'est un mec qui a pas la tête pour ça, et même pas le niveau, on va le dire honnêtement. Parce que franchement, à Bordeaux, ça fait très longtemps qu'on a des très bons gardiens, que c'est une institution. Enfin, c'est un truc vraiment important chez nous. Et Prior, voilà, quand tu parlais de Valverde tout à l'heure, c'est ou Olympia, quoi. Hein, de Richert. C'est des mecs, ouais, c'est des gars où tu te dis, bon, ils n'ont pas le niveau suffisant pour. Après. Pour les Girondins, quoi, c'est tout. Et. Enfin, moi, je pense que du coup, voilà, Costil, Prior, il va falloir lui trouver, enfin, un moment, pour moi, une porte de sortie, surtout qu'il a peut-être moyen en Ligue 2 ou un truc comme ça. Et effectivement, après la question Bernardini se pose, parce qu'il est vachement. Il est plus jeune déjà. Il a 19 ou 20 ans. Voilà. Prior doit avoir 21-22. Et en gros, bah, Bernardini, c'est vrai que Sagnol l'a cramé en le mettant à Lyon. Moi, je me souviens, j'étais là-bas, quand on perd 4-0, là, où tu vois Bernardini titulaire, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu sais, là, t'arrives à Lyon, tu sens que ça va être tendu, Lyon est en pleine bourre, il fout le jeune gardien de 19 ans dans les buts, quoi. Bref, je pense qu'est-ce qu'on le retente ou pas, jusqu'ici ça n'a jamais été refait non plus, peut-être que ça veut dire aussi que bah, concrètement il s'est passé un truc un peu important pour lui mentalement ce jour-là, puis peut-être qu'il n'a pas le niveau pour les Girondins tout simplement, donc c'est soit tu prends un mec en plus, mais Moi, je laisse Carasso de côté. Voilà, et encore une fois, il a fait son temps. Je pense que c'est un mec, en plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, bon, je ne dis pas que Costil va nous coûter des cacahuètes, hein, mais c'est un mec aussi qui, je pense, économiquement, est un des gros salaires du club, qui l'a mérité, mais que, globalement, aujourd'hui, est-ce qu'il le rentabilise encore autant qu'avant? J'en suis pas si sûr. Et puis, il y a bien un moment, de toute façon, il faudra... on va dire passer la main côté Carasso, et autant que ce soit fait maintenant. Moi je me souviens du souvenez-vous un peu de l'époque de Ramé, comment ça s'était passé. Je trouvais ça un peu triste presque, Ramé qui baissait clairement, on sentait bien il était moins fort qu'avant, et voilà, je trouvais ça un peu dommage. Je pense qu'il faut partir sur ta superbe entre guillemets, quoi. C'est ce qu'il faut qu'il fasse, Carasso, faut pas rater le départ. Puis quand t'as une belle eau, casse comme Costil aussi. Voilà, Carasso, il part aujourd'hui, exactement. Et puis si Carasso part aujourd'hui, globalement, enfin, au Girondin, ça restera un gardien, voilà, quoi, qui nous aura fait rêver, quoi, un très très grand gardien. Ce serait bête de rater un peu sa sortie, quoi. Voilà. Messieurs, on a le plus grand loser de Girondin Analyse. Ah, mais je crois que c'était moi, ça. Non, on a le plus grand loser de Girondin Analyse, puisque le mec a perdu et me commence ma phrase par tu sais, l'importance, c'est le jeu, c'est... Bonjour. Toi, t'es prêt pour Dijon, toi. Bonjour. Oh, putain. Bonsoir, Adrien. Ça va? Ça va, et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu es en haut-parleur, là? Oui. Enlève-le. Ben, ça va être compliqué vu que je roule, donc... Mais arrête-toi. Ben, tu t'arrêtes, tu te gares sur le côté, parce que là, c'est juste inaudible, ou alors tu me rappelles après. Bon, je vous rappelle après. Alors, quelle intervention, hein, merci. Hein. À tout à l'heure, ça faisait plaisir. Hein. Toujours aussi magique, lui. Hein. Ah, ça, c'est pas possible. Bon, messieurs, on va s'arrêter là-dessus. On va faire le petit Sekiki pour terminer. T'as rien suivi, mais... Je joue avec mon pote pour l'aider. Allez, yalla. Non, on fait chacun pour sa pomme ou... Oh, il va faire zéro point, le pauvre. Ouais, allez, ça, c'est vrai. Vous deux contre nous deux. Est-ce que je pourrais avoir un papier et un stylo, s'il vous plaît, messieurs? Il juge pas bon. Moi, dans genre rien suivi, je suis pas mal aussi ces derniers temps. Tiens, vas-y, fais passer, Cédric. Merci. Allez, donc on va faire l'équipe de Bernie contre l'équipe de son meilleur ami. Bien, niveau rime, tu t'es fait. Ouais, mais en même temps, avec Alexis, ça rime aussi. Hein. Je suis avec qui, moi? Toi, t'es avec Clément. Pull up. Je comprends, c'est pas forcément bon pour toi. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, bah pareil que toi. On va vous fister l'anus. Allez, vous êtes prêts, monsieur? Pas gavé, mais bon. Qui a dit comment tu fais pour ne pas péter un câble contre Valbuena? C'est Dimeco. Et voilà, première bonne réponse. Très respecté du Girondin, où il a fait signer en fin de carrière malgré ses attaches à l'Olympico de Marseille. Éric Dimeco a indiqué dans le vestiaire s'être plusieurs fois demandé comment il aurait agi s'il avait eu un certain Mathieu Valbuena en face de lui sur le terrain. Valbuena, oui, c'est le premier joueur auquel on pense. Je ne sais pas dans la roublardise qu'il a, mais ce genre de joueur, donc je ne sais pas comment je vais les prendre. Hein. Voilà, donc. J'ai rien compris du coup. Il lui a dit, mais comment tu fais contre lui pour ne pas péter? Allez, un câble? Marco, t'es en train de t'enfoncer. Allez, la deuxième, Marco, parce que là c'est pas. Sinon, Hugo Lloris à Dijon serait cool, non? Qui a dit si on pouvait leur rendre la monnaie de la pièce? Je sais pas, Vadim. T'as dit qui? Non. Tu peux pas. Johnny? Non. La quatrième place, leur objectif, ça les motive. C'est Génésio. Non, c'est une équipe qui a bien progressé, qui est solide et des arguments offensifs de poids, un banc de qualité. Garcia. Younous Sankaré s'est vite adapté. Il parle de Younous Sankaré. Tomboy, Daloguillo. Non, oui, Daloguillo. Ouais, voilà. C'est toi qui l'as dit? Ouais. Ah, d'accord. Je me suis dit quand même qu'il allait le trouver. C'est vrai qu'il était à Dijon avant, Sankaré, non? Ouais, mais il me l'a pris tout ans. À l'heure. Il a joué 3 ans en 2010. Après Paris? Ouais, en fait, il a été prêté à Paris. Et puis nous, on l'a conservé 3 ans. Et puis il est parti après Valenciennes pendant 6 mois. D'accord. Puis, il est parti à Guingamp. Il manque juste un petit truc quand même pour faire le. La musique. Eh ben oui. Il manque quand même la petite musique qui accompagne bien ce que je viens de dire. T'as ça. Branché ton ordi, c'est bon. Mais oui, mais j'ai rien préparé forcément, donc. Ben ça se voit. Hein. Donc je suis pas prêt. Catastrophe, c'est une catastrophe ce soir. Je suis bien d'accord avec vous. Non, jamais dit ça. Tu déformes grandement les propos. Putain, on va tous partir à Enjoy 33 quand Fifrelin il aura son émission. Salut tout le monde, c'est Alexis. À partir d'octobre, ça va être, tu sais quoi, tous les. Allez. Qui a dit? Cette équipe de Dijon a vraiment une grosse attaque. Elle marque très souvent. Gourmanek. Trésor, c'est ça. Il dit, il se méfie de l'attaque de Dijon, mais pointe les lacunes défensives. Il a raison. Qui a dit j'espère rester le plus longtemps possible ce club carré. Je t'ai baisé le point pour l'équipe de Bernie. Younous, il a dit quoi du coup? Qu'il voulait rester, il se sentait bien. Voilà. Ah, c'est bien. Qui a dit pas le droit à l'erreur? Plasil. On est dans, dans les Gourvenec. Derniers matchs, on a bien commencé non, la phase retour. C'est au moment de bien finir. Tavares. Dijon joue son maintien et nous, on devra gagner pour rester dans le premier. Oui, on les a tous fait. Cherchant un mec qui disait un truc vide comme ça. Le problème, c'est qu'ils sont un peu tous dans ce cas-là. Qui a dit je ne leur ai pas tapé dans l'œil? Ah putain, Vala. Vala. Oh l'enculé, pardon. Non, non, c'est ça. Et ça, c'est grâce à toutes les brèves de Emery, je crois que c'est lui qui l'a fait. J'avais rien à faire au travail. Qui a essoufflé ses 44 bougies aujourd'hui? Paleta. Non. C'est Clément. Non. C'est Clément. Non, mais attends, mais d'où tu t'enflammes, toi? Non, c'est là. Non, non, point pour Alexis. Quoi? Bien joué, ça. Il avait, mais il avait pas le nom. Alors, ça marche pas, non. J'ai dit Paleta, mon gars. Non, mais il a parlé avant toi. C'est bien joué, ça. Ça, c'est quoi? C'est le côte à côte rep ou quoi? Qui a dit Favre, Jardim, Emery et Gourvenec. Je trouve que c'est un super quatuor. Riolo. Ouais. Oui, voilà. Je cherchais le nom. J'allais dire Gautreau. Moi aussi, j'ai eu en fait les... Putain, mais j'ai lu en fait les brèves d'Emeric aussi. Ouais, toi aussi. Vous faites chier, là. Eh, il y a combien, là? 5. Il y a 5 à 3 pour ton équipe. Pull up. Qui aurait affirmé, lui aussi, dernièrement, que Cédric Carasso allait quitter Bordeaux cet été? Le mec du Telegram. Non. De Sud-Ouest. Non. Bah le mec de l'équipe, mais Bah non. Je sais pas. Qui? Gilles Favard. Non. T'as pas un indice, non? Parce que... Allez, il est sur l'équipe TV. Mais c'est ce que je viens de te dire, c'est le mec de l'équipe. Bah oui, mais lequel? Mais voilà. Didier Roustan? Non. Il y a un truc, il y a des vampires. Ah, Duffy! Oui! Voilà, c'est ça. Guillaume Duffy, exactement. Tu sais quoi, je sais que c'était le mec de l'équipe, je l'ai vu le truc. Tu veux que je dise un truc? Je savais même pas qui était Guillaume Duffy. Je jure, c'est vrai. Quand il a dit machin contre les vampires, je me suis dit tout à l'heure, j'ai vu Duffy ça. Duffy contre. Eh ben, c'est vrai qu'encore ça, je crois. Duffy contre les vampires. Qui a dit Bordeaux, c'était une magnifique opportunité de revenir dans le foot? Merde, Guillaume. Oui, bien Clément. Il est en forme, le mec qui est décédé dans le. Je l'ai vu, ça. Qui a dit on a vraiment l'air con quand on célèbre un but? S'il y a bien être un truc qui m'énerve. C'est Courbis. Oui. Oh là, je l'ai vu. Oh, mais c'est la Bérésina. Il y a pas un match de légende là. Qui a dit Bernard Lacombe pouvait pousser la superstition très très loin? Aimé Jacquet. Non. Je sais pas. Qui t'a dit? J'ai pas lu. Bernard Lacombe. Mais Marius Trésor. Non, c'est pas un Lyonnais. C'est pas un Lyonnais? C'est un Lyonnais. Putain, qui c'est? Cassapa, Julino. Non. Chris. C'est un ancien comme ça. Joël Batz. Il a joué à Bordeaux. Goku. Non. Je suis con. Non. Alors je refais parce que c'est Bernard Lacombe qui est le Lyonnais. Voilà. Donc non, il est. Je sais pas. Non, je crois que non. C'est plutôt un mec de Saint-Etienne plutôt qu'un Lyonnais. Galtier. Non. Coach Larquet. Oui. Donc pour l'instant, il y a 9 à 3, ce qui fait branler quand même. Oh putain, c'est la défaite. Merci Emeric. Célébrer entre midi et deux. Mais on a retrouvé Adrien au téléphone. Ah, merde. Oh putain, mais raccroche. Oh, ça. Raccroche. Alors t'as perdu. T'as perdu? Oui, c'est perdu, ça. Quel va. Loser, hein. Combien? 5-0. Wow. Ah oui, bon gars, ça. Tu jouais quoi? Je jouais milieu gauche et milieu droit. D'accord, t'as touché combien de ballons? Je sais pas, t'as vu le nombre. Mais tu t'es nul. T'es toi. Nul? Non, mais si. Je sais pas combien. Je compte ça pas le nombre de ballons que je touche. Eh ben attendez, vous rendez compte quand même, les mecs, qu'on est en train d'avoir à l'antenne. Bon, alors je sais qu'il est 23h qu'on est sur RIG. Hein, mais... Tocardos. Ouais. Non, mais attends, on est en train d'avoir à l'antenne un mec qui joue à Ludon milieu gauche qui a pris 5-0. Vas-y, donc contre Ludon. Ça défend, je dis. Et tu joues? Tu vois, Parempire, c'est un vrai club. Non, c'est pas un vrai club. Non. Excuse-moi, c'est encore pire, je crois. Donc ouais, on a un mec de Parempire. Alors vas-y, raconte-nous ton match un petit peu. Oh, on s'en a rien à foutre. Le terrain était compliqué. On a l'habitude de jouer sur synthétique. Vous êtes trop technique, c'est ça? Oui, voilà. Face à une équipe physique, c'était le SCO d'Angers en face. Non, mais t'étais pas Bordeaux, hein. Calme-toi. Hein. Non, mais nous, toi, t'es physique aussi. On doit être Nancy, je crois. Ah, toi, t'es physique aussi, toi. Au niveau des cheveux. Capillairement parlant. Moi, je suis moyen partout. ou mauvais partout. Je sais pas comment. Partout, ouais. je crois qu'on dit ça comme ça surtout. Ouais. Ouais. Mauvais partout, c'est non, mieux. Moi je pense que t'es bon nulle part. Voilà, non, vrai. Mais eh oui, mais je reviens de blessure. Tu vois, je suis un peu le Gourcuff de pas remplir avec la technique en moi. D'accord, ok. Le physique aussi, non? Comment ça ouais, se le physique aussi. Le physique et les filles aussi, non équivalent. Eh, parce que moi je me souviens, c'est de la sortie qui avait fait mousser Gourcuff en slip. Là, tu t'en souviens, l'escure? Oui, je m'en souviens. Je sais pas si t'as fini en slip, si Sud-Ouest va en parler. Non. D'ailleurs, c'est quand que tu te rases, parce que mais bon, c'est quand que tu repasses du coup? Ben alors, ben, je repasse lundi. Je serai pas lundi, là. Je suis là. Mais. Oh, d'accord, t'es en. Tu veux faire le Sekiki ou pas? Bah, ben allez, pourquoi pas. Bon, allez, tu intègres l'équipe de. De Alexis. Il y a 9 okay. à 3 contre nous. Vous perdez 9 à 3. Il ouais, y a la même différence que ce soir en gros. Qui a dit voilà, Over Mandanda est quelqu'un d'intelligent, de respectueux et surtout vis-à-vis Trésor de ses Chauvin, frères. Manteau non, Chauvin. Baptiste. T'as dit quoi Chauvin, Chauvin. C'est Chauvin. Mais c'est bon, je t'ai eu. C'est qui Chauvin? C'est l'entraîneur des gardiens, mais de l'équipe c'est pas de Chauvin, la. C'est Chauvin, c'est Chauvin. Non, il a dit Chauvin, c'est pour ça que j'ai fait répéter. Il a fait du Chauvin, le petit. Oh putain, rien que pour ça, il fait ta gueule. Qui a dit il est hors de question de renégocier avec SBA? Juppé. Juppé, ouais. Non. Non. Trio de Jean Bernard. Ah, ouais. Nicolas non. Florian. Oui, oui, oui. Tu vas te calmer, toi. Hein. C'est le maire adjoint. C'est qui? Ah ouais. Malgré les 2 millions d'euros de déficit de SBA et la demande faite de son président Bernard Agnesten de reconsidérer certains des engagements pour rééquilibrer le contrat, la mairie refuse. Il est hors de question de renégocier. En 2011, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a signé un contrat où SBA a apposé sa signature. Ceux qui ont voulu signer ont voulu proposer eux-mêmes ce modèle économique. Ils savaient à quoi s'attendre. Nous appelons au respect de la signature et de la parole donnée. Voilà. Allez, 9 à 4 au Montana. Vous la sentez, hein, Montana, grâce à Adrien là. 10 à 4. Qui... Alors, on a dit que Sofiane Vallat, tout à l'heure, on a dit qu'il avait été conservé. Mais quels sont les deux autres joueurs qui seraient proches de partir? Molin. Molin. Non, non, proches de partir. Eh ben, je Molin. Parle de pro. Eh ben, Coca et Molin. Oui, mais je parle Crivelli. De pro. Ah. Téline. Et. Téline, ouais, Carasso. Et, un point. Carabouni. Carabouni, et deux points. Et oh les jeunes. Bon, Adrien, on va te remercier. Hein. Parce que tu commences à faire chier, là. Et non, ensuite, quels sont les deux autres joueurs qui ne vont pas être conservés? Brucato, Téline, Brucato, Coca. Donc, allez, un partout. Coca et Brucato. Il y en a un autre aussi. Mais t'as dit deux. Oui, mais Mola. Parce que mais Coca, Valin, je l'avais dit pas. Mola va pas être conservé. Mola. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Mola. Oui, mais je l'avais pas là, donc. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Là, tu leur comptes pas le point. Je l'avais déjà dit. T'es sérieux ou quoi? Bah non, non, ouais. C'est bon, je te compte pas. Ah allez, bon. Allez, mais tu te calmes, toi. Il y a 10 à 7, allez. Mais jamais de la vie. Mais qui a dit avant les concerts au Matmut Atlantique, il y avait une opération de scalpage? Alors là. Alors là. Un indice. Nous avons traversé des moments difficiles avec l'épidémie de Pythium. Nous avons persévéré et aujourd'hui l'une des trois meilleures pelouses du championnat de Ligue 1. Il rêve complet. Être... Ouais, et comment il s'appelle? Je lui ai donné son nom tout à l'heure. Fargeon. T'as bafouillé. Florian. Mais non, Nicolas Florian, c'est pas qui. Non, c'est le chef là, où il a bugué là, Crunch Train, bro, je sais pas. Ouais, ouais. Il s'appelle Bernard. Mais si t'as bugué, Bah, t'as bugué, bon, Agelstein. Ouais, voilà. Pas. Mais j'ai fait exprès de bugger, je pouvais pas vous donner la réponse allez, à la question suivante. Qui a dit. Je ne pense pas que les Girondins feront 12 points sur 12. Genesio. Oui. Bien. Yeah. Qui a putain, dit la remontada, Jocelyn Gourvennec et Ramé m'ont dit que ce contrat n'était pas un cadeau. Non. Non, celui qui a signé. Non, Verdon. Verdon. Verdon, c'est ça. Ouais. Yeah, on va remonter. Combien il y a? 11 à 9. Eh on est en train de se faire niquer par un mec qui vient de perdre 5-0 et pas à remplir contre Ludon. Quoi, qui a dit les grosses équipes, ça nous réussit plutôt bien? Mais où Younous, sans carré. Tiens, non. Diony. Wouh! Il y a combien là? C'est quoi ce crème maintenant? Pour l'instant, il y a 10 à 11. Allez. Non, mais non, mais. Bah, dès que ça concerne Dijon, ah, ouais. Ma couche, mieux, moi. Qui a dit Plasil en. De quoi? Plasil! Ah, non, elle compte pas. Quoi, elle compte pas? Mais. Non. T'as niqué, Plasil, 12-10. Quel sera le trio arbitral à. Varela au centre, et après, je sais pas. Bah moi aussi Varela au centre mais après je sais pas. Bon Varela ça me suffit. Et après ça sera Jemel Zitouni et Tugal. Ok Philippe. Mais tu sais quand même toi tu bug. Donc allez. Varela ça suffit. C'est un déconne. Allez maintenant on va faire. Donc il y a 12 à 10. Et maintenant on va faire le. Donc vous êtes très proche. C'est quoi tu on va faire le joueur par joueur. C'est-à-dire je vais vous donner un match. il va falloir que vous me redonniez les joueurs qui ont participé. Attendez, qui ont participé au match. Je veux pas les joueurs qui sont sur le blanc qui sont pas rentrés. Je veux juste les 14 joueurs s'il y en a 14 ou les 13. Non, non, je suis sur Facebook. Et là, je veux les joueurs qui ont joué lors du Dijon-Bordeaux. C'était quoi ? De 2004-2005 en Coupe de la Ligue. Ouais, j'en ai plein. Alors, messieurs, allez-y. Vas-y. Alors, on fait du tour, c'est-à-dire un coup c'est votre équipe, un coup c'est l'autre équipe. Djemali. Alors, Djemali, c'est bon. En 2004-2005 bah, je sais pas du tout ça. Canera. Alors, Canera, ce n'est pas bon. Chamac. Oh. Chamac, c'est bon. Ouf. Planus. Ah oh, oui. Planus, c'est bon. Mavuba ? Non. La dernière, il faut que je note. Mavuba, c'est bon. Francia ? Il faisait partie de ce bordel-là. Francia, c'est bon. Menegazzo ? Ah, attendez, non, attendez. Non. Tu m'as dit qui ? Non ! Il a dit Menegazzo, ouais. Alors soit... Non, j'ai pas dit Menegazzo. Ah, Menegazzo, non, c'est pas bon. Mais... J'ai pas dit Menegazzo, j'ai dit Meriem. Moi, je dis Meriem, Meriem. Meriem, c'est bon. Merci, Adrien. Ah quoi, ce quel vol. Allez ouvrir ferme s'il vous plaît. À vous. C'est à qui? À vous là les gars. T'as dit quoi? Donc Meriem c'est bon, ensuite. Eduardo Costa. Bah non, Eduardo Costa c'est pas bon. Non. Bernie. Bah j'aurais dit Siani mais je suis pas sûr. Il y en a plein encore. Ouais, mais moi, Siani c'est pas bon. Siani ouais. C'est beaucoup D'Archeville. Plus tard. D'Archeville. D'Archeville. Ouais, bien vu, ça. C'est pas bon. Oh, ah non il va être sur le banc. Franchement vous êtes nuls hein. Mais c'est à moi. C'est pas bon, il pensait, il y a des postes clés, des joueurs clés dans cette période-là. Ramé ? Ramé, c'est con, il jouait pas. Roux ! Roux, oui, c'est roux, c'est roux. Roux, c'est bon. J'ai cherché. Mais... C'est parce que je vous ai sauvé, bande d'enfoiré. À toi. Il en reste, hein. De cette époque-là, il en reste. Je sais pas. Souvenez-vous, vous me dites Francia, vous avez dit Chamac, c'est l'année. Bah oui. Souvenez-vous quand même. Jariati ? Jariati ? C'est pas à toi. Oh non. C'est à vous. Ouais, je... Faubert, c'est bon. Ah, bien joué. Vas-y. Bah, Jorietti, du coup. Jorietti, bah, c'est oui. Bon. C'est bon. On a dit gardien ou pas ? Oui. Ouais, c'était Roux. C'était Roux, ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, vous en avez pas dit. Alors, ça, on a fait. Il vous en reste un. Smertine. Non, c'est trop vieux, peut-être, Smertine. Non, c'est pas bon. Alors, juste, et ça sera eux. De toute façon, il en reste un qui est facile à trouver. Deux, il y en a deux encore sur le champ que vous n'avez pas trouvé qui sont simples, et ensuite il y en a encore deux autres un peu plus difficiles à trouver. J'ai pas entendu Marc, excuse-moi. Il vous en reste quatre à trouver. Des Girondins du coup. Ouais. En 2004-2005. Donc on a dit que Chamac c'était pas bon. Chamac si c'était bon. C'était bon Chamac. Je vais y aller mais je vais laisser Cédric en galère à moins qu'Adrien soit toujours là. Mais il vous en reste plus beaucoup, donc on va vite terminer. Il nous reste quoi ? Des défenseurs ? Alors, il vous reste un arrière-gauche ou milieu-gauche ? Basto, je l'ai Basto. Dit. Basto. Non. Quelle année ? 2004-2005. Un arrière... Roll. Riera. Roll. Putain ! Riera. Non, c'était Roll. Non, mais... Riera, il n'y était pas. Riera n'était pas. Bah, par contre, Roll, il était un... Il reste un milieu... Il me semble que ce milieu avait été pris. Il joue maintenant à la Saint-Etienne. Je sais qui c'est. Oui, Quad. Ouais. Quad. Et ensuite... C'est quoi 2004 ? Oh là là, jure-le, il était à Bordeaux. Lasland. Non, le Black là. Huch. Voilà. Quel il est nul. Comment tu le sais, toi ? Mais parce que je regardais les Girondins quand même un peu. Calou Gucci. Il en reste un. À Bordeaux ? Qui joue quoi ? Jouait plutôt attaquant. Plutôt attaquant, c'est mais il a dit Chamac, moi je croyais que c'était un 4-5. D'Archeville ? Ouais, Faïd Nounou. C'est ça ? Non. Un jeune, on l'a pas beaucoup vu, c'est pas un nom connu. Franco. Bunier. Oh putain, Bunier. Je l'aurais jamais sorti. Et il y avait eu combien ce match-là d'ailleurs ? On a perdu 2-1 après prolongation. Et on a perdu 2-1 là-bas. Et c'est qui a marqué à Bordeaux ? Et c'était Quad à 48ème. Ouais, on a pris un but à la 120ème minute. Hein, Quad il joue à Sainte, il est pas parti à. Ah, il est pas parti à Metz ou quoi ? Edzeman et Mangion. Ah oui, c'est ça. 120ème minute. Donc au final, pour Alex, il y a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 points. Pour l'équipe de Clément, il y a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 points. Mais vous avez eu très chaud quand même. Il me semble que c'était à Metz qu'il est à Metz Quad, non ? Oui, oui. Ah voilà. Ouais, okay. Voilà. Il a dit Sainte-Etienne. Maintenant, il joue à Sainte-Etienne. Non, il est à Metz. Mais il a joué à Saint-Etienne. Ah, j'avais compris qu'il y était. Bientôt. Allez, messieurs. Ciao, Poulet. Un petit coup de klaxon quand même avant de partir. Ah, merci. Allez, Schumacher. Allez, Schumacher. Coup de sifflet final, les gars. Ah, ouais. Allez, les phrases pour terminer. Adrien. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Vive la moutarde, mais allez Bordeaux. Bah on lâche rien, la devise de Dijon. Un seul animal la loutre, une seule mentalité insoumise, Virachid et Oui. Bah alors là je. Bah alors là je peux pas enchaîner après ça, hein. En avant Schumacher avec son. Mais là tu m'as tué avec ça. Oh bah là t'es. Ah putain lui. Et lui le jour où il fait du ski il est foutu. Et on va se terminer sur un petit jingle avant le jingle de l'émission en dédicace à Dijon et à Clément. Allez, à bientôt, ciao. Écoute, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas tout miser sur nos arguments, surtout toi. Alors, si je peux te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Appelle Giron d'analyse au 05 56 35 31 31. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Vendredi de 21h à 23h, écoutez Giron d'analyse sur RIG en 90.7 FM et sur notre site girondanalyse.com. Vous y retrouverez aussi les podcasts des émissions, les interviews, le chat et toutes les infos sur les Girondins de Bordeaux. A bientôt dans Géant.